Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Fabien Marzelière. Bonjour Julien. Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuse, dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. En 2021, le podcast 2030 Glorieuse, il est soutenu par la NEF. Pour moi, c'est hyper important parce que ça me permet de vous faire découvrir encore et encore des personnes inspirantes qui font les métiers de demain. Et en plus, ça a du sens puisque la NEF, c'est une coopérative bancaire citoyenne qui soutient depuis plus de 30 ans les porteurs de projets sociaux, écologiques et culturels. Et on en parlera d'ailleurs ensemble puisque aujourd'hui, nous échangeons à distance et nous allons parler avec toi, Fabien, de ton métier de brasseur puisque tu es directeur de la brasserie Tête Haute qui est basée dans la région nantaise. Ensemble, nous allons discuter de l'importance du local, de l'artisanat, mais aussi de comment remettre l'entreprise au service de l'humain. Pour commencer cet échange, je te pose la même question que je pose à tous mes invités. Imagine, ça y est, les soirées reprennent, tu vas à nouveau rencontrer des inconnus et quelqu'un te posera cette question fatidique. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu lui réponds? Et moi, qu'est-ce que je fais dans la vie? Je fais tout ce que je peux pour me sentir bien dans ma peau, dans mon boulot et chez moi. Et en l'occurrence, ça se traduit par un emploi créé sur mesure. Donc directeur d'une entreprise d'insertion qui s'appelle donc Tête Haute, comme tu l'as bien prononcé tout à l'heure, une brasserie artisanale qui a pour objectif à la fois de brasser de la bonne bière et en même temps de faire fermenter les âmes et les gens qui ont besoin d'un petit coup de pouce sur leur chemin. C'est une super baseline, ça, faire fermenter les âmes et les gens. Ouais. Vous l'utilisez ou tu viens de la trouver? Non, on ne l'utilise pas, mais on devrait. Ouais, j'avoue que vous devriez. Pour moi, c'était hyper intéressant de t'avoir au micro parce que, en fait, de par ton expérience, tu es le témoin d'un phénomène qui me donne beaucoup d'optimisme, mais pas que moi, puisque j'étais il y a quelques années à Paris avec Rob Hopkins qui donnait une conférence et qui disait que lui, ce qui lui donnait énormément de confiance en notre capacité de changer les choses, c'était justement le fait qu'il y avait une véritable explosion à travers le monde de microbrasseries et qu'on assistait en quelques années de la multiplication par 5, 10, 20, 50, 100 de toutes ces microbrasseries qui étaient en pleine effervescence et qui montraient ce goût du local, ce goût du faire soi-même, ce goût de l'identité un peu de son territoire. Est-ce que tu partages cet engouement ? Ah ben on ne peut que partager, c'est vrai qu'il y a une vraie explosion, ça pousse comme des champignons avec plein de belles choses. Et puis ce qui est intéressant avec les brasseries, c'est que ce n'est pas que des entreprises et de production, c'est chaque brasserie a vraiment une identité et raconte quelque chose. Donc ça c'est chouette, c'est à creuser à chaque fois. Vous êtes quand même arrivé dans un milieu qui était un peu symbolique de la manière de faire, on va dire, du libéralisme avec des giga-entreprises qui concentrent un savoir, qui produisent des quantités et des quantités d'une presque même bière qu'on retrouve à peu près à chaque fois avec une étiquette différente et qui pourtant a le même goût insipide. Et vous, vous arrivez avec une production qui est lilliputienne, avec des bières au goût marqué, une identité forte, radicalement à l'opposé de ce qui se faisait. Comment tu expliques le succès de ces microbrasseries? C'est À la fois, je pense qu'il faut regarder historiquement, la bière, c'est un produit qui nous accompagne depuis la nuit des temps. Elle a fait toujours partie de l'histoire de l'homme, depuis la Mésopotamie, même avant. On retrouve des traces de fabrication de la bière et de brassage. Je pense que oui, on est passé par une phase industrielle qui a peut-être détérioré l'image du produit et puis la façon son rapport au monde. Ce qu'on voit, c'est une réappropriation par plein d'entités plus petites, plus soigneuses aussi, certainement, de ce mode de production-là, de ce produit-là. Et depuis une bonne dizaine d'années, c'est un mouvement qui vient surtout des États-Unis, hein, le craft, là, on voit une appétence, ouais, pour remettre les mains à la pâte et faire les choses à plus petite échelle, de façon plus expérimentale, peut-être plus locale parfois, plus qualitative aussi. Voilà. Après, je trouve que l'opposition micro-industrielle, il y a des choses intéressantes chez l'industriel aussi. C'est eux qui ont permis d'amener plein de réponses aux interrogations qu'on pouvait avoir sur la chimie du produit, sur sa stabilité, sur plein de choses comme ça. Donc, il y a du bon partout. Ouais, je vois ce que tu veux dire et à la fois je peux pas m'empêcher quand même de tomber dans ce piège de l'interprétation facile qui et pour l'avoir vécu du coup je le dis vraiment en prenant aussi ma part dans ce jeu m'a fait passer d'un consommateur qui n'avait pas vraiment le goût d'une bière plutôt qu'une autre et qui buvait presque par réflexe d'un geste social qui permet de partager un moment à celui d'être en conscience, d'être ancré dans un territoire, de vouloir vraiment découvrir les expériences qui sont parfois absolument loufoques. Hein. J'en suis venu à boire de la bière qui avait été associée à des coquilles d'huîtres, etc., etc. Je suis parti très très loin dans le délire quand même, en ayant eu la chance en plus d'avoir tout un tas de microbrasseries à côté de chez moi et donc la possibilité d'apprendre aussi à faire ma propre bière, etc., etc. Mais c'est quand même un changement radical et je trouve aussi qu'il dit quelque chose de nos différentes générations. Avec, et d'ailleurs, le fait que tu en parles avec le mouvement de la craft qui vient des États-Unis est aussi hyper intéressant, puisque d'un côté, on a eu un peu l'American Way of Life qui a inondé le monde entier, justement, avec tous ces produits absolument semblables, et maintenant, les États-Uniens qui viennent nous pousser à nous réapproprier nos territoires et nos identités et d'être dans la créativité presque sans limite. Comment tu Oui, analyses c'est un ça? peu le paradoxe, hein, nos collègues outre-Atlantique. Hein. C'est quand même assez incroyable, non? C'est incroyable de vivre ça. Incroyable, on dirait qu'ils ont toujours un temps d'avance sur nous, c'est fou. Un temps d'avance pour les merveilles et pour les horreurs, Exactement, hein, bah c'est oui, il ça? faut bien mener la danse des deux côtés. Ouais. Non, non, mais c'est vrai, c'est à la fois une volonté de remaîtriser ce produit, en même temps le consommateur, ça vient impacter aussi. Il y a de la perméabilité entre le fabricant et le consommateur qui évolue en même temps. Donc c'est hyper intéressant. Il y a une vraie rencontre entre vouloir produire autrement, vouloir consommer autrement. Et donc, avec beaucoup de créativité dans tout ça, c'est un vrai tournant ces dernières quelques années. Il y a encore de belles années à venir pour le monde de la bière. Ouais, c'est sûr, on est vraiment là dans une explosion exponentielle et vous avez un peu plus de recul en plus, c'est ça qui m'intéresse puisque le projet de la brasserie Tête Haute, il est né il y a plus de 10 ans. Donc vous êtes presque un peu des anciens de ce retour en force. Est-ce que toi, ce recul, il te permet d'analyser cet engouement, peut-être avec une tête un peu plus froide? Je ne sais pas s'il est né il y a si longtemps que ça, le projet en tant que tel, avec la notion de brassage social et l'impact social du projet. Mais par contre, on est tombé dans la passion du brassage amateur et du produit en tant que tel, oui, il y a un peu plus de 10 ans, une quinzaine d'années, au moment où ça commençait tout juste à arriver en France, les kits, commencer à brasser chez soi. Et puis, voilà, on s'est de plus en plus intéressé à ça. Donc c'est vrai que ça, c'est un monde qu'on observe en tout cas au départ de loin. Et puis maintenant, en étant dedans depuis une petite quinzaine d'années, mais on est encore des tout novices là-dedans par rapport à d'autres. Ouais, donc du coup, depuis le début, on tourne autour de votre activité, mais effectivement, tu l'as dit, vous avez une brasserie qui est donc engagée, sur les questions écologiques, forcément, bio, local, avec donc cette première jambe, et puis une deuxième, puisque vous êtes aussi une entreprise d'insertion. Est-ce que c'est vraiment cette image comme ça de la brasserie qui fonctionne sur ses deux pieds? Et si oui, est-ce que tu peux nous parler déjà de votre engagement dans l'artisanat local? Et puis je sais qu'en plus, vous avez votre propre houblonnière et que ça, c'est quand même assez unique. Et puis ensuite, on évoquera ensemble pourquoi cette vocation à être aussi entreprise d'insertion qui pourrait sembler être un peu le fardeau supplémentaire inutile au lancement d'un projet entrepreneurial. Et oui, tête haute, c'est vrai que nous on le considère vraiment comme un triptyque qui est articulé autour des trois entités que tu as citées, hein, Julien, donc la fabrication de la bière, la production en local d'une partie de matières premières, notamment à travers la houblonnière, et puis le volet social avec le conventionnement entreprise d'insertion. Donc si on veut zoomer dans un premier temps peut-être sur une partie de ce triptyque qui est l'ancrage local du projet dans son territoire, au moment où on a monté le projet tête haute, on s'est vraiment questionné sur... voilà, il y avait déjà une certaine quantité de brasseries en France et notamment dans notre région. Donc on s'est mis... autour de la table pour réfléchir en se disant bon, ben, qu'est-ce qui serait intéressant de travailler pour apporter quelque chose de plus à ce projet-là et puis une pierre à l'édifice du brassage craft en France. C'est vrai qu'on entend souvent l'argument du local ressortir quand on visite des brasseries, quand on discute bière un petit peu autour de nous. Et puis on s'est creusé les méninges, on s'est dit mais alors qu'est-ce qui se tient debout vraiment cet argument du local? Et en creusant la question, on se rend compte que ben, bien souvent, les matières premières sont importées pour la plupart, parfois de moyennement loin, parfois de très loin. Et puis, on se retrouve souvent avec une eau qui est locale, hein, l'eau du réseau la plupart du temps, et une transformation qui est locale, mais pas forcément les matières premières. Donc, on a regardé de plus près l'ensemble des matières premières qui rentraient en compte dans le process de brassage. Et puis, en cherchant à se dire, ben, qu'est-ce qu'on pourrait vraiment ici cultiver? Qu'est-ce qui serait intéressant? Et puis, nous, on est issus d'une famille de vignerons. Donc, on a vraiment l'appétence et l'envie de retrouver ce lien à la terre et à la notion de terroir qu'on trouve vraiment riche et qui peut apporter vraiment quelque chose à un projet de production comme ça. Donc, on s'est intéressé de plus près au houblon. Et on s'est rapproché des quelques rares producteurs qu'il y avait autour de nous au moment du lancement du projet pour commencer à creuser la question, voilà, de la production du houblon. Et puis rapidement, on a fait le choix de devenir producteur également. Alors c'est très en toute humilité, hein, puisque c'est une petite surface. On a une houblonnière pilote, nous, qui fait pour le moment 1 hectare, qui nous sert à tester... l'adaptation de certaines variétés sur notre terroir. Hein. Donc, nous, on est en Loire-Atlantique, situé près de Nantes, comme tu l'as dit tout à l'heure, donc sur une terre plutôt viticole. Donc on a décidé de tester 5 variétés ici, sur la commune du Cellier, à une quinzaine de minutes de Nantes. Les variétés qui sont Chinook, Cascade, Perle, Glacier et Williamette. Pour vraiment défendre, amener un argument de plus dans un ancrage local du projet sur son territoire et avec les acteurs locaux. Et sur la question écologique d'ailleurs, vous continuez à pousser le bouchon, vous continuez à expérimenter. Une grande partie de l'impact écologique vient de la matière première qui est utilisée pour faire de la bière, en l'occurrence en général l'orge, le blé. Je sais que vous essayez d'utiliser des matières, on va dire, avec moins d'impact, presque même recyclées. J'ai vu que vous faites une bière au pain. Est-ce que vous avez envie de continuer à creuser ces possibilités, ces alternatives? Oui, je pense que c'est un sillon qui a creusé au regard de comment on se doit de produire aujourd'hui et comment on doit anticiper les changements à venir dans les années prochaines. La bière, c'est un super produit. C'est un produit, par contre, qui est énergivore en eau et puis en process et qui peut l'être aussi en termes d'impact écologique au niveau des matières premières, comme tu le disais. Donc, il y a des vraies pistes d'amélioration à explorer, et je pense qu'elles sont, voilà, faut être à la fois réaliste et ambitieux sur ces questions-là. Donc, on explore petit à petit ce qui est possible pour nous à notre échelle. Donc, ça passe par, parfois, oui, des façons de produire différemment avec du recyclage. Donc, tu as nommé cette bière qui s'appelle la Bredan Rotis. Donc, c'est des choses qui se pratiquent dans d'autres brasseries, hein, mais de remplacer un tiers des maltes par du pain bio recyclé, qui est d'ailleurs récolté par une autre entreprise d'insertion. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis là, on vient d'accueillir un jeune ingénieur agroalimentaire, Théodore, qui a rejoint l'équipe et qui va travailler sur la question des drèches, donc ces résidus de brassage que l'on extrait, qui peuvent être regardés à la fois comme des déchets ou alors regardés comme une matière sortante à fort potentiel. Et donc Théodore va travailler sur une année de recherche à comment valoriser ces drèches et pourquoi pas créer une nouvelle filière de transformation à destination de farine alimentaire ou de transformation pour produits énergie, etc. Donc c'est assez il y a des choses à creuser là-dedans. Je pense que voilà, il y a aussi un engagement de la brasserie qui est important dès le départ avec un partenaire avec qui on a co-construit nos projets en même temps. Ils ont été incubés en même temps avec bout à bout au niveau des bouteilles pour réduire davantage notre impact. Il y avait vraiment quelque chose à faire au niveau de la consigne de la bouteille qui a disparu en France, mais qui est une solution tout à fait pertinente. Donc on a été un des premiers partenaires du projet bout à bout qui vise à réintroduire la filière consigne dans la région. Donc, toutes nos bouteilles sont lavables, elles passent en laveuse industrielle et nous reviennent. Donc ça, c'est quelque chose auquel on tient et qu'on essaie de défendre auprès de nos revendeurs. Et qu'est-ce que tu dis alors à toutes ces personnes qui se disent mais attendez, ils sont fous en fait, parce que ils s'infligent déjà la corvée écologique, et puis alors là maintenant la consigne, et puis alors là le local, et puis etc etc, et puis maintenant les matières recyclées, et en plus de ça, non content de vraiment essayer de faire leur part, d'alléger leur empreinte, de montrer l'exemple au niveau écologique, ils se rajoutent l'obligation sociale avec ce que vous essayez de faire en tant qu'entreprise d'insertion. Je le dis parce que souvent j'ai entendu ce biais d'analyse de la surcharge de ces alternatives qui essayent de rayonner le plus large possible et puis d'affronter le plus de mots à leur portée, et notamment dans le podcast on a reçu pas mal de personnes qui cumulaient un peu toutes ces alternatives et toutes ces envies d'agir. Je pense notamment là comme ça à Ubermot qui a créé La Vie est Belle, qui est lui du coup artisan upcycler. Il fait des ceintures notamment avec des anciens pneus de vélo, et en plus il le fait avec des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Qu'est-ce que tu peux répondre à ces clichés qu'on continue à entendre beaucoup? Eh ben, je sais pas si c'est des clichés. C'est vrai que en tant qu'entrepreneur, il faut aussi souvent arbitrer entre un idéal et la réalité du terrain, à la fois une réalité économique, une réalité de faisabilité technique des choses, une réalité de qualité du produit. On peut pas être bon partout. Je pense que on peut en revanche essayer toujours de tendre vers une amélioration continue et un positionnement de revenir à ses fondamentaux et se dire bon, on a monté ce projet là pour ça, on essaye de maintenir un maximum de choses tant que c'est possible. C'est possible sur plusieurs choses au niveau de l'impact écologique, celle dont on a parlé avant. On a aussi fait des choix parfois de se dire bon, bah là sur le malt par exemple, on peut pas être 100% local parce qu'économiquement ça tient pas. Si on l'appliquait à 100%, on aurait un produit bien trop cher, et donc élitiste, c'est pas ce qu'on veut. Donc il y a des choix qui sont faits là-dessus. Et puis concernant le volet social, nous on le voit vraiment pas comme une surcharge, puisque ça fait partie intégrante du projet TTO aussi. C'est pas quelque chose qui a été rajouté, ça fait partie de son ADN. Le projet n'aurait pas été créé sans son projet social. C'était vraiment dans le cahier des charges de départ. On s'était dit que voilà, on voulait créer une brasserie à impact social pour que la bière passe d'un d'un objet social, de sociabilité, je veux dire, à un objet à impact social. Pour nous, c'était vraiment très important. On trouvait ça à la fois très, très riche et très intéressant d'un point de vue de la symbolique, puisque, comme je le disais, c'est un produit qui nous accompagne depuis la nuit des temps. C'est un produit de convivialité, c'est un produit artisanal qui évolue dans le temps, qui est vivant, etc. Et on souhaitait vraiment pouvoir lui donner une autre dimension, celle de sa vocation sociale et qu'elle puisse, que sa fabrication puisse permettre l'émancipation de publics qui sont éloignés de l'emploi, fragilisés dans leur parcours de vie. On trouvait ça vraiment, vraiment riche. Donc aujourd'hui encore, je pense qu'on le voit comme une richesse interne. Et puis, là où c'est pas du tout une charge, c'est qu'en fait, c'est très porteur. Pour nous, ça fait sens. Déjà, ça nous anime en interne. Et puis ça nous permet de communiquer. Ça nous permet de raconter des histoires. Je pense que maintenant, les entreprises qui seront intéressantes demain, c'est les entreprises qui arriveront à raconter une histoire, qui auront quelque chose à dire. Et avec ce projet social-là, on a quelque chose à dire. On a plein d'histoires à raconter, des belles histoires, des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas. Mais c'est ça qui est chouette au quotidien. Ouais, c'est chouette. Et à la fois, j'ai l'impression que tu manques presque de fierté par rapport à ce que vous êtes en train d'accomplir. Tu dis que vous avez dû arbitrer, tu dis que vous avez dû faire des compromis. Et j'ai l'impression que l'essence même des entreprises dites classiques, c'est de se baser sur des compromis. Et alors que je sens dans les initiatives que je mets en avant l'envie de toujours s'améliorer. Alors peut-être qu'il y a dans cette remise en question permanente le risque d'une insatisfaction chronique qui doit aussi être évacué parce que, comme tu l'as dit, on est tout le temps en train de s'adapter et de peaufiner et la quête de perfection, il faut qu'elle soit faite avec plaisir plutôt qu'avec ce sentiment qu'un jour on arrivera quelque part alors qu'en fait cette perfection, elle est à mon sens inatteignable. Et à la fois, j'ai quand même l'impression que vous vous reposez jamais sur vos lauriers et que vous avez toujours envie de mieux faire. Comment tu expliquerais cette énergie du mieux faire? Qu'est-ce que ça dit aussi de votre projet? Tu vois ma question? Mais je pense que peut-être que ça existe chez Tête Haute parce que c'est collaboratif et qu'on n'attend pas tous la même chose du projet Tête Haute. On le regarde, on a différents prismes. On est deux fondateurs, Samuel et moi, Samuel qui est mon frère. On a des parcours différents et on avait des attentes différentes et des appétences différentes au montage de ce projet-là. Et puis on a été rejoint par d'autres collaborateurs et notamment par Guillaume Leroux qui nous a rejoint, qui nous avait accompagné au moment de l'incubation du projet. Et on amène tous un ingrédient, un regard particulier sur les choses. Et c'est ça qui fait que on se challenge les uns les autres et je pense qu'on a tous des envies pour ce projet-là qui parfois se rejoignent, parfois viennent se frotter les unes aux autres et c'est ça qui fait que c'est en mouvement et peut-être un mouvement qui cherche à s'améliorer. Ouais. Ouais, c'est passionnant. Merci Fabien pour cette première partie. Bravo pour cette superbe initiative. On aurait pu continuer à en parler pendant 25 minutes et d'une certaine manière, c'est ce qu'on va continuer à faire un peu parce qu'on va se projeter en 2030 glorieuse. Je serais très heureux de t'entendre pour savoir quelle place a Tête Haute dans cette future décennie enthousiasmante. Et à la fois, on va marquer une petite pause. On fait toujours ça là. L'invité vient avec une fenêtre d'inspiration qu'il trouve dans un texte qui lui est cher et qui donne à voir justement à quoi pourraient ressembler ces avenirs libérateurs, enthousiasmants, passionnants, épanouissants. Et donc toi, du coup, tu es venu avec un texte, une utopie qui a particulièrement résonné en toi. Lequel? Alors moi, aujourd'hui, je suis venu avec un texte d'un chef indien. Et oui, pour rester dans la thématique de Tête Haute, puisque pour ceux qui connaissent notre logo, c'est une tête d'Indien relevée, fier de son parcours. Et on trouve cette thématique particulièrement parlante et elle nous a porté au montage du projet, parce que à la fois c'est un peuple qui passe pas par l'accumulation. Donc ça nous intéressait. Il ne prend autour de lui que ce dont il a besoin pour exister. Et puis c'est un peuple qui est fier, ça parle aussi d'une minorité qui a pu être malmenée et qui s'est battue pour le maintien de ses libertés. Donc aujourd'hui, j'ai amené un texte de Chef Joseph qui a prononcé un discours en 1879 devant le Congrès pour son peuple, que je vous lis maintenant. J'ai serré la main à beaucoup d'amis, mais il y a des choses que je veux savoir et que pas un ne semble capable d'expliquer. Je ne peux pas comprendre comment le gouvernement qui envoie un homme combattre, comme il le fit avec le général Miles, peut ensuite rompre ses promesses. Un tel gouvernement a quelque chose de mauvais en lui. Je ne comprends pas pourquoi rien n'est fait pour mon peuple. J'ai entendu discours après discours, mais rien n'est fait. Les bonnes paroles ne servent à rien s'il n'en sort quelque chose. Les paroles ne me rendent pas mes morts. Elles ne me rendent pas mon pays envahi aujourd'hui par l'homme blanc. Elles ne protègent pas la tombe de mon père. Elles ne me rendent pas mes chevaux et mon bétail. Les bonnes paroles ne me rendent pas mes enfants. Les bonnes paroles ne changeront rien à la promesse de votre chef de guerre. Les bonnes paroles ne donnent pas bonne santé à mon peuple et ne les empêchent pas de mourir. Les bonnes paroles ne donneront pas à mon peuple un lieu où ils puissent vivre en paix et prendre soin d'eux-mêmes. Je suis fatigué des discours qui ne débouchent sur rien. J'ai le cœur malade quand je me rappelle toutes les belles paroles et les promesses non tenues. Il y a eu trop de paroles venant d'hommes qui n'avaient pas droit à la parole. Trop de mauvaises interprétations ont été faites. Trop souvent, les hommes blancs se sont mépris sur les Indiens. Si l'homme blanc veut vivre en paix avec l'Indien, il peut vivre en paix. Il n'est pas nécessaire de se quereller. Traitez tous les hommes pareillement. Donnez-leur à tous une chance égale de vivre et de croître. Vous pouvez aussi bien attendre des rivières qu'elles coulent à l'envers, qu'exiger de n'importe quel homme libre qu'il soit content d'être enfermé et que la liberté d'aller où bon lui semble lui soit refusé. Si vous attachez un cheval à un piquet, vous attendez-vous à ce qu'il grossisse. Si vous parquez un Indien dans un coin de terre et que vous l'obligez à rester, il n'y sera pas content, et il ne croîtra ni ne prospérera. J'ai demandé à certains grands chefs blancs d'où ils tenaient le droit de dire à l'Indien qu'il resterait dans un endroit alors qu'ils voient les hommes blancs aller où ils veulent. Ils ne peuvent me répondre. Ce que je demande au gouvernement, c'est d'être traité comme les autres hommes sont traités. Si je ne peux aller dans mon propre foyer, donnez-moi un foyer où mon peuple ne mourra pas si vite. Je sais que ma race va changer, nous pouvons rester tels que nous sommes à côté de l'homme blanc. Nous ne demandons qu'une chance égale de vivre comme tous les autres hommes vivent. Nous demandons à être reconnus comme des hommes. Nous demandons que la même loi soit appliquée pareillement à tous les hommes. Si un Indien viole la loi, punissez-le par la loi. Si un homme blanc viole la loi, punissez-le aussi. Rendez-moi ma liberté. Liberté de voyager. Liberté de m'arrêter. Liberté de travailler. Liberté de faire du commerce là où je le choisis, liberté de suivre la religion de mes pères, liberté de penser et d'agir pour moi-même, et j'obéirai à chaque loi où je me soumettrai au châtiment. Eh ben, c'est pas un texte d'un fol enthousiasme, mais c'est un texte intéressant, et je le trouve audacieux, et je trouve qu'il y a un parallèle à faire. Évidemment, tête haute, nous ne sommes pas des Indiens natifs, mais il y a un parallèle à faire avec ces personnes qu'on peut accompagner parfois dans les structures d'insertion qui sont la minorité qu'on voit pas, qui sont la minorité qui peut être laissée de côté, qui peut être malmenée, qui a plus accès à ses droits. Et je trouvais intéressant de faire ce parallèle-là concernant la liberté et la fin de ce texte sur sa verve qui est touchante, je trouve. Ouais, tu as raison. Et ça donne aussi à voir en creux la folie de notre monde accumulateur. Qui, en fait, par la possession, exclut toutes celles et ceux qui ne possèdent pas. Et on va puiser d'ailleurs dans cette énergie, hein, de l'évidence, cette énergie pour voyager ensemble en 2030 Glorieuse. D'ailleurs, ça y est, nous y sommes en 2030 Glorieuse. Nous avons, malgré toi, fait le voyage le plus extraordinaire, le plus dépaysant que tu feras jamais, sans doute, et en même temps le plus écologique, puisque nous n'avons pas bougé. Nous allons être en 2030 Glorieuse dans un monde où nous avons réussi. Alors, je ne sais pas si tu t'en souviens, en 2021, on combattait encore, ou en tout cas, on naviguait à vue entre la sécurité, le terrorisme, le chômage, la crise sanitaire, sans perspective aucune, à tel point que les Français ne voulaient même plus penser à l'avenir, tellement le présent était morose. Et là, aujourd'hui, nous sommes dans une société où tout n'est pas parfait, tout est encore à construire, à optimiser, à redistribuer. Et à la fois, il y a un vent d'optimisme, il y a une boussole qui a été changée et qui permet aujourd'hui à toute la société de marcher ensemble vers une quête de bonheur, une quête de solidarité, une quête de durabilité aussi pour préserver le vaisseau Terre qui nous héberge. On va essayer pendant une quinzaine de minutes de faire l'exercice de parler au présent comme si justement nous étions vraiment dans ces 2030 glorieuses et de décrire ce que nous voyons du mieux possible pour le donner à voir, le faire sentir, le faire toucher presque à toutes les personnes qui nous écoutent. Nous y sommes en 2030 glorieuses, le temps d'un instant. Nous y verrons, nous y découvrirons ce qui nous intéresse, ce que nous voulons. Le pouvoir est seulement et uniquement dans notre imagination et c'est un pouvoir extraordinaire. Fabien, qu'est-ce que tu vois, toi, en 2030 glorieuse, quand tu ouvres les yeux, quand tu regardes à l'extérieur de ta fenêtre? Ah, déjà, je vois un grand soleil, un mois de mai radieux, pour commencer. je vois des gens dehors, des gens qui circulent librement, je vois des gens en terrasse évidemment. Aujourd'hui, je suis dans la même entreprise qu'il y a une dizaine d'années, mais il y a beaucoup de choses qui ont évolué et je vois qu'il y a des vrais temps de convivialité, de partage et que on a réussi à s'émanciper de ce sentiment de peur qui nous a trop guidés bien souvent. Je vois ça déjà. Je vois des grands champs de houblon aussi devant moi. Une grande étendue de houblon qui est très verdoyant et prometteur pour la récolte prochaine. Qu'est-ce que je peux voir devant moi? Je vois des gens, à la fois des gens que je connais, qui sont mes collaborateurs et qui ont pu s'épanouir ces dernières années dans leur travail respectif, parce que je suis persuadé que le monde du travail et le monde de l'entreprise peut a une responsabilité dans le plaisir d'exister et de se développer soi-même. Et puis voilà, je vois des gens qui sont bien eux-mêmes et donc qui sont bien pour le collectif. J'ai vraiment l'impression que cet artisanat, et donc du coup, l'entreprise, elle a repris sa place effectivement de créateur d'emplois, de créateur de sens, de créateur de liens et que finalement, elle a été remise au service de l'humain plutôt que l'inverse où 10 ans en arrière on avait vraiment l'humain qui était absolument dédié au fonctionnement d'une entreprise, à sa rentabilité, à sa réussite, sans vraiment que ça puisse être un échange gagnant-gagnant. Mmh. Oui, c'est un sujet qui est passionnant, ça, la place du travail dans nos vies qui a toujours été une grande question, tripalium là. À quel point ça fait partie de nous et quelle place on lui accorde. Et c'est vrai que je suis très heureux de voir qu'en 2030, en effet, on considère bien que le travail est au service de l'homme et non l'inverse. Et cette boisson fermentée la plus vieille du monde, la bière, elle a quelle place en 2030 glorieuse? J'imagine qu'elle n'a pas quitté nos tables. Hein. Oh que non, elle n'a pas quitté nos tables. Elle trône parmi les boissons du quotidien en tout respect des des quantités, bien sûr, hein, avec modération, mais elle fait toujours partie de nous. Et je suis convaincu qu'en 2040, en 2050, elle fera toujours partie de l'histoire de l'être humain. Et en plus, elle y sera encore plus liée, puisque Tête Haute aura fait des petits, et ce sera aussi une boisson qui permettra d'accompagner nos prochains vers des avenirs plus sereins. Mais justement, j'aimerais t'entendre sur ce que tu viens de dire. Tête Haute a fait des petits. On est en 2030 glorieuse, dans une époque où il y a presque pour chaque village une microbrasserie, ce qui veut dire qu'il y en a des dizaines de milliers partout en France. Peut-être qu'il y a d'autres Tête Haute implantées dans la région nantaise ou même plus largement sur le territoire français, voire même dans les pays voisins. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu nous dis par rapport à ça? On en serait particulièrement heureux, et ça fait partie des choses qu'on a travaillé, puisqu'on est en 2030, et qu'on a travaillé dès 2019, pour voilà, essayer de se dire si c'est un projet qui marche ici, qui peut avoir un impact humble, mais un impact quand même intéressant, il pourrait marcher à plein d'autres endroits, que ce soit sur le territoire national ou ailleurs, puisque la bière, c'est quelque chose de mondial. Et on a réussi, voilà, à tisser des liens avec aujourd'hui avec d'autres pays européens ou autres, avec d'autres villes où ce type d'initiative a pu être dupliqué, et donc l'impact social en est largement maximisé, tout en gardant une implication locale et territoriale forte. Et tu parles de liens, le développement de Tête Haute et le développement de toutes ces microbrasseries, il s'est fait à l'exact inverse du développement d'une grande marque qu'on connaissait toutes et tous, Coca-Cola, qui pendant longtemps a eu voilà, un secret absolu sur sa recette, un presque monopole du soda, et qui l'a poussé très vite à racheter toutes les autres marques qui pouvaient entrer en concurrence avec sa fameuse bouteille rouge, à l'inverse, à l'exact opposé même, comment Tête Haute arrive à avoir toutes les autres microbrasseries comme des alliés, et quels liens vous entretenez ensemble dans le partage du réseau, dans le partage peut-être, je ne sais pas, certaines matières premières, peut-être certaines collections ou de bières spécifiques, ponctuelles. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus à ce sujet ? Il y a déjà beaucoup de liens qui sont en place sur des échanges de savoir-faire. C'est un milieu qui est plutôt enclin au partage jusqu'ici, alors qu'il reste concurrentielle, mais au niveau des producteurs de taille raisonnable, des micros ou des brasseries indépendantes, en tout cas, il y a quand même une vision commune du produit et une envie de partager les choses sans forcément être sur la défensive toujours. Voilà, puisque très clairement, le marché est encore détenu en très grande partie par l'industriel, donc la concurrence se joue pas forcément à ce niveau-là, et on sait bien qu'on est, on joue plutôt dans la même direction avec les mêmes objectifs, qui est de défendre une autre façon de produire, de défendre un produit vivant, innovant, créatif. Donc, je pense que les liens, ils se font là, ils se font à travers des collaborations entre brasseurs, des échanges, des voyages peut-être où on va brasser chez un tel dans un autre pays. Moi, j'adorerais emmener mes collaborateurs découvrir et brasser ailleurs, ça serait super. Et puis, il peut se faire aussi sur des échanges d'ingénierie. Voilà, on serait ravis de partager à la fois le squelette de ce que peut être une brasserie d'insertion, de le dupliquer sur d'autres territoires. Ça peut être un lien fort aussi. Ça se fait, hein. Mais ça se fait, hein. D'ailleurs, tu parlais effectivement de collaboration. Ça, c'est quelque chose qui se faisait déjà en 2021, mais donc là, on est en 2030, et effectivement, il y a de plus en plus de collaborations entre brasseries, parfois locales, évidemment, la proximité aidant, mais aussi sur des goûts bien spécifiques, des pratiques bien spécifiques, avec parfois des surprises vraiment, vraiment inattendu. Il y a aussi forcément plusieurs salons partout en France des microbrasseurs où on peut venir découvrir les bières qui sont produites localement. Et ça, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est assez magique dans la microbrasserie. C'est le sentiment de l'éphémère. On a retrouvé la sensation du présent, le goût aussi de ce qui est ponctuel et dont on sait qu'il n'existera plus, puisque là où certaines marques proposent les mêmes produits ou proposaient les mêmes produits depuis 10, 20, 30, 40, 50, ou plus même, ben, les microbrasseurs, ils assument aussi de faire des collections presque qui n'existent que quelques mois, le temps d'une saison, le temps d'un été, le temps d'un hiver, et puis de laisser disparaître ces recettes pour laisser encore de la place à la créativité. Qu'est-ce que ça dit de notre relation au présent, ça ? C'est une question philosophique, ça, Julien. Ouais, j'avoue. mais j'ai envie de creuser aussi un peu dans ce sens-là parce que il y a 10 ans en arrière, je continue avec la question la plus longue du monde. Là, je suis en train d'entrer en concours directement avec Nagui, qui est le spécialiste des questions longues. Mais il y a 10 ans en arrière, on était à cause des réseaux sociaux avec le phénomène du FOMO, le fear of missing out. On avait peur de toujours louper. Donc, du coup, on était dans l'accumulation constante, bon, en l'occurrence, d'événements, de photos, d'échanges, de commentaires. Mais on aurait pu tomber dans ce biais-là avec ben voilà, un secteur comme celui des microbrasseries en pleine expansion qui quand même dans une ébullition qui fait qu'on a tout un tas de goûts et on aurait pu se dire tiens, il faut absolument que tout je goûte. Et au contraire, on s'est dit, voilà, on va laisser de la place à la surprise, on va laisser de la place à l'inattendu et on profitera de ce qu'il y a. Il y avait un groupe de rap que j'écoutais pas mal il y a 10 ans en arrière qui disait « ce qui se passe maintenant n'appartient qu'à maintenant ». J'ai l'impression que c'est aussi un peu cette philosophie des microbrasseries. C'est vrai que c'est un point de vue intéressant sur la microbrasserie qui devrait être plus souvent défendu. Tu as tout à fait raison. Et bien, c'est peut-être une forme de réponse possible à ce besoin de se recentrer, de retrouver du sens. Ah oui, il y a quelque chose de plus ancré dans le maintenant et pas toujours soit à regarder en arrière ou se projeter. Ça peut être une concrétisation de ce mouvement-là, de cette recherche-là, d'avoir les pieds sur terre et de ressentir les choses au moment présent. Ouais. Ouais, je pense que une bonne bière éphémère, en effet, ça, c'est une façon originale de retrouver cette sensation. Ouais. Ça s'inscrit typiquement dans le mouvement slow. Il y a eu les slow city, le slow travel. Là, on est à fond dans la slow food où on prend vraiment le temps de profiter de ce qu'on a, en fait. Tout à fait. Et je pense que c'est pas un feu de paille, ce phénomène. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à en tirer. Et puis voilà, après les périodes de crise qu'on a traversées, ça se poser, partager un bon moment. On a retrouvé le goût et l'intensité de partager un moment simple et éphémère. Et d'ailleurs, vous, chez Tête Haute, est-ce que vous allez participer à cette émission absolument folle là, que tout le monde regarde ? Il y a 10 ans en arrière, il y avait Top Chef. Aujourd'hui, il y a Top Brasseur. Et donc, on a des brasseurs partout en France qui s'affrontent avec des propositions de bière absolument uniques, incroyables, avec des goûts toujours plus surprenants. Vous avez envie de vous frotter un peu à cette initiative et de participer à ce mouvement fou ou pas ? Eh ben, je pense que tu tiens le concept, Julien, là, et qu'il faut absolument que tu t'en saisisses. Dès que tu as fini cette histoire de podcast, à mon avis, il faut monter cette émission, hein, parce qu'il y a quelque chose à faire, là. En tout cas, nous, on y participera avec plaisir. En fait, même je continue dans le délire, mais on est dans une sorte de mix entre le Top Chef et Interville. On part à la découverte des brasseurs. On a des étapes pour aller collecter le houblon. Enfin, on tout un tas de choses pour arriver à faire fermenter les matières premières. Enfin, ça serait quand même quelque chose d'assez marrant. Ah, ce serait splendide. Là, si on parle d'Interville, moi, ça touche à quelque chose là de très profond. Et donc, je ne peux que valider si on peut retrouver une forme d'Interville. Ou même de dégustation, tu sais. J'ai vraiment tellement pris plaisir à découvrir ces bières qui étaient parfois vraiment, vraiment farfelues avec des ingrédients qu'on n'aurait pas du tout imaginé à l'intérieur d'une bière. Il y a aussi peut-être une éducation au palais qui peut passer par la bière. Oh oui, je pense que c'est un vrai support d'éducation au palais. Oui, on a eu le plaisir, nous, ici, d'accueillir une zytologue, donc une spécialiste de la bière, de ses procédés de fabrication, de sa dégustation, de son histoire. Et on apprend plein de choses grâce à elle, qui s'appelle Aude qui nous accompagne, et c'est passionnant parce que dans la bière on va retrouver plein de tout un monde à découvrir avec ses sens, et ça c'est vraiment nous un vrai régal tous les jours. Ouais. On retourne en 2030 glorieuse, hein. Je suis désolé Fabien, je te fais faire des allers-retours là. Je deviens fou Julien. Ouais, j'avoue qu'il y a une schizophrénie là qui est en train de se déplacer, de se créer. Mais voilà, le temps de deux questions. J'aimerais bien que tu nous racontes un peu à quoi ressemble l'ancrage local de Tête Haute en 2030 glorieuse, puisqu'on peut payer les bières en monnaie locale complémentaire. Vous avez réussi à faire en sorte que de plus en plus de matières premières viennent vraiment de la région. Et que tu nous racontes un peu tout ça et que tu nous racontes comment vous avez réussi à pousser le curseur de votre ancrage local au maximum. En 2030, on est très fiers de nous pour le coup, hein, parce que les paris qu'on avait pris il y a 15 ans, ils sont avérés gagnants. On a arrêté d'expérimenter avec la partie houblon et on est passé vraiment sur une échelle de filière. On a réussi avec nos collègues houblonniers de la région à monter une vraie filière qui est organisée, qui est structurée, qui est qualitative. Et on est passé d'une autonomie partielle à une autonomie quasi complète en houblon. Et puis on s'est organisé pour pousser le curseur encore plus sur les malteries locales qui avaient débuté leur activité un petit peu avant 2020 et qui aujourd'hui sont en place avec une vraie construction de logique de filière globale amont-aval qui nous permettent de garantir à la fois un produit qualitatif et en même temps quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. C'est pour ça qu'on est fiers en 2030, c'est que ce produit reste accessible parce que la bière, c'est populaire et il y a quelque chose qui nous ici, nous anime vraiment, c'est qu'il faut que ça reste un produit accessible pour tout le monde. Et toi, Fabien, en 2030 glorieuse, qu'est-ce que tu fais ? Tu m'en as parlé tout début, là. Tu disais que tu travaillais encore chez Tête Haute. Ah, en 2030, moi, j'ai un peu la bougeotte, mais je pense qu'il va falloir que je me pose. Et je pense qu'il y a tellement de choses à faire dans ce projet Tête Haute. Il est tellement passionnant et il m'apporte beaucoup, beaucoup d'énergie. Je pense que je serai encore là, j'espère. Et je ne sais pas quel sera mon rôle, par contre. Mais je m'imagine bien encore amener et titiller mes collaborateurs pour aller chercher encore d'autres initiatives et puis défendre corps et âme les fondements qu'on avait posés en 2018 au montage de la brasserie. Ouais, peut-être même prof dans des écoles de brasseurs. Puisque aujourd'hui, le cursus scolaire intègre des formations pour créer ses propres brasseries. Ça te dirait de participer à ce genre d'initiative ? De transmettre un peu toute cette expérience ? La notion de transmission m'intéresserait énormément. Je ne sais pas si je transmettrais l'art du brassage, j'aurais certainement un petit peu délégué en 2030. Ouais, bien sûr. Mais je transmettrais en 2030, je pense que je serais à transmettre l'appétit pour la création, l'envie de se faire confiance et de croire en ses projets et d'aller de l'avant, parce que je trouve que c'est vraiment émancipateur et satisfaisant. Ouais. Ben génial, on était bien là-bas en 2030 glorieuse avec toutes ces bonnes bières, mais on doit revenir dans le présent où il y a aussi de très bonnes bières. D'ailleurs, je ne connais pas encore les bières de la brasserie Tête Haute, mais je vais aller à Nantes là dans quelques mois, donc je vais faire attention à bien vous trouver. On revient donc dans ce présent, on a voyagé, on a ouvert des caps avec des entreprises qui mettent en avant la coopération, qui sont plus ancrées sur le territoire, où on continue à laisser libre cours à cette créativité. Et à la fois, on revient à notre quotidien. Les personnes qui nous écoutent sont aussi happées par tout un tas d'habitudes, de contraintes. Qu'est-ce que tu leur suggérerais comme premier pas pour marcher vers ces caps enthousiasmants qu'on a dessinés le temps d'une conversation ? Je pense que ces derniers temps, on a pu se re-questionner collectivement sur la notion d'essentiel. Elle est vraie au niveau du collectif, de ce qui est essentiel pour un pays, pour un peuple. Je pense qu'elle est vraie individuellement aussi. Moi, j'attaquerai par là, c'est que mon avis, mais j'attaquerai par essayer de prendre un temps pour moi et de me dire voilà, qu'est-ce qui est essentiel pour moi, pour les choses qui m'entourent et comment je peux vivre en harmonie avec cet essentiel-là. Merci Fabien. Bah, c'est avec grand plaisir, Julien. Ça y est, cet épisode avec Fabien Marzelière est terminé. Comme d'habitude, hein, très content d'avoir pu donner la parole à un porteur d'une initiative qui a autant de sens, parce que là, vraiment, comme il le disait lui-même, Fabien, il y a un vrai triptyque derrière cette brasserie, puisqu'on parle du local, puisqu'on parle du durable, et puis en plus, il y a la note d'insertion sociale et économique qui est forte. Et encore une fois, plus je creuse, plus je me rends compte qu'il y a ce lien invisible hein, qui relie tous les porteurs de projets que je mets en avant, qui veulent vraiment aborder cette complexité, non pas comme un fardeau, mais comme au contraire la possibilité de faire toujours mieux et de toucher tous les pans de notre société qui ont tant besoin d'être revisités, déconstruits et largement améliorés. Donc pour ça, c'est vraiment une super expérience. Puis je crois que Fabien, il l'a bien dit, il y a la notion d'aussi quelle histoire on raconte et du coup, quelle histoire on a envie de donner le plus de place dans nos vies. Et je crois que l'idée du travail comme là lui il se l'est construit, ça nous invite aussi à nous dire mais en fait voilà vraiment comment moi me mettre avec ma singularité, mes talents au service d'une histoire qui a vraiment du sens et qui me permettra de m'épanouir, cette histoire étant forcément communautaire, citoyenne, familiale, amicale, etc., etc., mais aussi professionnelle. Et c'est ce que fait Fabien avec son exemple et que je trouvais génial. On n'est pas tous obligés de créer une brasserie, on n'est pas tous obligés de se lancer dans un projet entrepreneurial. On peut rejoindre des structures plus ou moins grandes, mais il y a quand même cette idée de quelle histoire est à quelle histoire on a envie de participer. Et pour ça, l'exemple de Fabien est hyper inspirant. Et puis en plus, moi, je vous avoue que la bière, pour avoir vécu en Écosse, pour avoir eu l'opportunité de découvrir toutes ces subtilités, puisque cette boisson est particulièrement mise en avant dans les pays du Royaume-Uni, c'était quelque chose qui, voilà, avec lequel j'avais un lien un peu particulier. Et l'explosion des microbrasseries, comme le dit Rob Hopkins, pour moi, ça fait partie de ces symboles de l'appétence des Français pour le local, pour l'engagé, pour la créativité, pour des marqueurs de goût qui sont plus prononcés et qui nous amènent vraiment à savourer le temps présent. Donc j'espère que cette interview, elle a résonné en vous comme elle a résonné en moi. Et puis, bah, je vous souhaite de repenser à tout ça et peut-être à votre histoire la prochaine fois que vous ouvrirez une bonne bière, ou pas d'ailleurs, ça peut être n'importe quoi d'autre, mais l'idée, c'était d'avoir cette boisson qui permettrait de se remettre aussi dans le temps présent et de valoriser les savoir-faire. Comme d'habitude, je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle interview. Et puis encore merci d'être aussi nombreux à écouter le podcast 2030 Glorieux. J'ai vraiment de la chance d'avoir une si belle communauté qui me suit et on est dans une communauté qui est grandissante. Donc le ciel est la limite, comme on dit. À très vite. Salut. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 Glorieuse avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi, je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur ça commence par moi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut !